contrôle d'activité. Activation de la banque mémoire. La procédure de mise en route est à présent terminée. Bonjour, je m'appelle 2XL. Tu sais, le robot le plus doué du monde. Le programme que tu as choisi est Rire et jeu. Je vais te poser des questions. Et toi, tu n'as qu'une chose à faire, t'amuser. Surtout, n'oublie pas de suivre mes instructions à la lettre. Lorsque je te dirai « à toi », tu pourras appuyer sur la touche de ton choix. Ok ? C'est parti ! Avant de commencer, dis-moi si tu es une petite fille ou un petit garçon. Si tu es une fille, appuie sur la touche A. Si tu es un garçon, appuie sur la touche B. À toi. Tu t'es trompé de m'avoir répondu. Essaye de faire bien attention et d'écouter ce que je dis. Eh bien, je pense que tu es une petite fille, demoiselle. Car la touche sur laquelle tu as appuyé est tout près de celle qui désignait une petite fille. Déjà. Pour les questions 1, 2, 3, 4 et 5, nous allons jouer au jeu « Quel est ce bruit ?» Je vais te faire écouter des bruits et tu vas essayer de les reconnaître. Si tu réponds juste aux 5 questions, je te raconterai 2 blagues et tu auras droit en prime à un super secret. Allons-y ! Question 1. Quel est ce bruit ? Tu as reconnu 1. Un tambour ou 2. Un cheval au galop. Appuie sur 1 ou sur 2. À toi. Je pensais plutôt que cette question était faite assez facile. Mais bien reconnu le bruit d'un cheval au galop. Il faut absolument que tu te souviennes de quelque chose de très important. Voici ton mot de passe. Camembert. C'est ton code secret. Essaye de ne pas oublier. Camembert. Ok. Passons à la seconde question. Quel est ce bruit ? C'est un peu plus dur. Allons-y. Trois choix sont possibles. 1. A. Des poussins. Des chiots. 2. B. Des chiots. Des chouettes. Ou 3. C. Des chouettes. Des poussins. Appuie sur 1. A. 2. B. Ou 3. Ou C. À toi. Il faut que... Oh non! Quelqu'un frappe à la porte. Laissez-nous! Nous sommes occupés. Je disais donc... Il faut que... Oh non, encore! Bon, je vais aller voir qui cela peut bien être. Qui est là? C'est moi, Vincent. Que veux-tu? J'ai une blague à vous raconter. Dur de résister. Vas-y, Vincent, je t'écoute. Si une crème coûte 6 francs 66, combien coûte une crème renversée? 9 francs 99, bien sûr. Oh, bravo, Vincent. Très amusant. N'oublie pas de fermer la porte en partant. Ma banque mémoire m'informe que tu as choisi les chansons pour répondre. Je vais interroger ma banque mémoire. Tu viens de glisser sur un os. Tu es vraiment plus doué avec les poussins qu'avec les chevaux. Bravo. C'est à présent au tour de la question 3. Quel est ce bruit? Voici 3 possibilités. A. Un oiseau. B. La sonnerie d'un réveil. Ou C, une pendule coucou. Appuie sur A, B ou C. À toi. Oh, encore un bravo, Molo, pour cette super doué. C'est bien le bruit d'une pendule. Il ne s'agit pas d'un oiseau, ainsi, mais la troisième bonne réponse. Coucou. Maintenant, nous allons voir si tu vas répondre aussi bien à la question 4. Quel est ce bruit? Pas si facile, hein? Pour t'aider, je ne te donne que deux possibilités. Est-ce le cri 3 1, d'un éléphant ou 4 d'un éléphant? Appuie sur 3 ou sur 4. 2, à toi. Tu brilles aussi fort que le soleil. De ton super cerveau. Tu as trouvé la bonne réponse. Désolé de t'annoncer que c'est le barissement de l'éléphant. Ce n'est pas Bravo. Le cri d'un loup, ce n'est mais le barissement si d'un éléphant. Prêt pour la question 5 ? Oh non ! Qui sonne maintenant à la porte ? Qu'est-ce que c'est que toutes ces interruptions ? On ne peut plus jouer tranquillement ici. Ok, qui est-ce ? Salut 2XL, je m'appelle Rebecca. Bonjour Rebecca, que veux-tu ? J'ai une blague à vous raconter à tous les deux. Mais tout le monde est au courant. Nous devons être très populaires. Raconte ta blague, Rebecca. Nous t'écoutons. Quel fruit a-t-on tous au creux de la main ? Trop dur. Je donne ma langue au chat. Facile ! Une pomme ! Oh, merci, Rebecca. Maintenant, revenons à notre oignon. Je veux dire à nos moutons. Moutons ! Question 5. Quel est ce bruit ? Est-ce A, des oisillons, B, des mouettes ou C, des grillons ? Fais ton choix et appuie sur A, B ou C. À toi ! Les oisillons, pourquoi et pas ? Quelle oreille ? Mais tu as bien reconnu, ce sont des grillons. On ne bouge plus, je vérifie ma banque mémoire. Fais une petite pause. Je reviens jouer dans un tout petit moment. Ma banque mémoire m'informe que ta réponse à la question 1 est bonne. Alors, à la 2, à la question 1, à la 3, à la question 2, à la 4, bien compris. Bonne. Et qu'en a-t-il été pour la troisième question ? Bonne encore ! Bravo ! Et à la 4, répondu aux 5 questions. Bon, et pour terminer cette vérification, en plus, qu'en est-il de la question 5 drôles. Et bon, en cadeau, puisque c'est secret, ainsi, ce n'est pas la peine de tourner autour un du pot. Un martien part en voyage. Tes réponses n'ont pas toujours Sa été femme bonnes. Lui demande, mais si tu ne le prends pas ta soucoupe aujourd'hui, rembobiner la cassette. Son mari lui répond et recommencer. Non, sinon, je ne suis pas dans mon assiette ce matin. Le programme. Oh. Si tu veux recommencer, et voici la seconde blague. Et quel la est le meilleur jour pour aller à la sinon, plage ? Ne touche à rien. Le maire. À toi. Crudy, bien sûr. Approche-toi, je vais te confier mon secret. Et promets-moi de ne pas le raconter à tous tes petits amis. Tu as choisi de Il continuer. Il n'y a que les enfants qui C'est jouent très bien. Avec moi et qui ont le droit de savoir. Comme tu t'es trompé à la dernière question sur voilà. les grillons, mon je nom vais te donner a une quelques informations sur ces charmantes petites bestioles. En prononçant les lettres de Sais-tu mon nom que l'on peut connaître XL, la température extérieure excelle en écoutant comme un grillon. Excellent. Je Comment? Ne suis pas très modeste, ne me crois mais pas. C'est mon secret. Eh bien, voici J'excelle ce qu'il faut faire. En excellence. Tu comptes pendant Garde 15 bien secondes le nombre je de ces grilles d'envie de te raconter. Et tu ajoutes une troisième blague. Au chiffre tu es que d'accord. Tu as trouvé. Allons-y. Tu verras. Une araignée c'est demande à une autre. On Qu'est-ce qu'on mange ce soir près, et la température qu'il fait. Une à ce mouche moment. Au chocolat. Essaye. Tu vas voir. Avant d'aller plus loin, petite vérification de ton circuit mémoire. Te rappelles-tu de ton mot de passe ? Si c'est citrouille, appuie sur 1. Si c'est camembert, appuie sur 2. Appuie sur 1 ou sur 2. À toi ! Merci beaucoup. J'apprécie ta collaboration. Nous allons maintenant jouer à un nouveau jeu. Paroles et musique. Je vais interpréter des chansons que tu vas m'aider à composer. C'est parti. Quelle couleur préfères-tu ? Tu as le choix entre 1, 3, rouge et 4, vert. Appuie sur 3 ou sur 4. 2. À toi. À toi. Je vais donc t'interpréter la chanson que nous venons de créer. Écoute. Ton robot préféré a composé une chansonnette. Rien que pour toi, ça va être chouette. C'est le rouge que tu préfères, de tes croix dures comme fer. J'espère que tu as aimé ce petit air-là, mais s'il ne te plaît pas, changeons de mot la prochaine fois. Alors, ça t'a plu? Non? Oh! Ben tu m'envoies, désolé, mais c'est ainsi que chantent les robots, cher ami. On va en faire une autre sur la même musique. Dans cette chanson, est-ce que tu veux parler 1 d'un chien ou 2 d'un chat? Appuie sur 1 ou sur 2. À toi. Merci. Et maintenant, que préfères-tu? 1, 3, un hamburger ou 2, 4, une pizza. Appuie sur 3 ou sur 4. À toi. Noté, tu as choisi le chien. Et si tu te fais lécher, ce sera plutôt bien. C'est le hamburger que tu préfères. C'est génial. Sauf quand il trompe la terre. Mais à la fin de cette délicieuse chanson, j'ai l'estomac tout au fond des talons. Oh, elle est marrante cette chanson. Qu'en penses-tu? Si tu l'as trouvée drôle, appuie sur oui. Sinon, appuie sur non. À toi. Depuis le début, je savais que tu avais bon goût. Sa dernière réponse le prouve. Nous ferons plus drôle. Notre chanson est très amusante. Nous allons maintenant jouer à Vite Réponds. Je vais te poser 4 questions et tu vas y répondre le plus vite possible. Je ne te donne pas les réponses, mais ma banque mémoire les enregistre et calcule ensuite ton score. Si tes réponses sont toutes bonnes, je te raconte 2 blagues. D'accord? Commençons. Pas de panique. La question 1 est difficile, mais je te donne 2 chances. C'est parti! On appelle un bébé chat un chaton. Un bébé chien un chiot. Comment appelle-t-on un bébé cheval? 1. Un petit cheval. 2. Un poney. 3. Un poulain. Ou 4. Un âne. Appuie sur l'une des touches. À toi. Écoute bien, je te laisse choisir une autre réponse. C'est ta deuxième chance. À toi. Ok, passons à la question 2. Les poules pondent des œufs et les vaches donnent du lait. Mais qu'obtient-on des moutons? Est-ce 1 de la laine, 2 du coton ou 3 de la chlorophylle? Réfléchis bien et appuie sur 1, 2 ou 3. À toi. Merci d'avoir répondu aussi vite. Question 3. On va jouer à vrai ou faux. L'autre nom pour ton nombril, c'est ta bidonnière. Appuie sur vrai ou sur faux, à toi. Et voici la question 4 qui se rapproche. Oh, oh, il doit y avoir une petite erreur. Qui est-ce? Je suis la sorcière Esmeralda. Que veux-tu, sorcière Esmeralda? Je veux vous raconter une histoire drôle. Ah, ce doit être notre jour de chance. Esmeralda, tu sais que mon ami et moi, nous adorons les blagues. Alors, vas-y, nous t'écoutons. Dans quel endroit une sorcière va-t-elle se faire déballer et maquiller? Je ne sais pas, je donne ma langue au chat. Bon, revenons à nos balais. Je veux dire à nos questions. C'est parti pour la 4. Comme je suis un robot non seulement adorable, mais aussi particulièrement compréhensif. Je vais te poser une question printemps, suit l'hiver. Quelle est la saison la plus suite? L'automne. L'automne, l'été ou l'hiver? Appuie sur B ou sur C. À toi. Juste une petite seconde de patience. Je consulte ma banque mémoire. Oh, ma banque mémoire m'informe que tu n'as malheureusement pas bien répondu aux quatre questions. C'est vraiment dommage, car je ne vais pas pouvoir te raconter mes blagues. La prochaine fois, sûrement. Une question rapide, une. Quel est le nom du chien de Charlie Brown? Choisis entre 1. Lassie, 2. Beethoven et 3. Snoopy. Appuie sur 1, 2 ou 3. À toi. Ton cerveau doit faire une petite sieste, ma parole. Beethoven est une adorable chienne, mais Snoopy est la bonne réponse. Ah, excuse-moi, mais mon téléphone sonne. Allô? Oh, c'est Cendrillon! Ah oui? D'accord. À tout de suite, Cendrillon. C'est mon amie Cendrillon. Elle m'a dit qu'elle allait passer pour nous raconter une blague. Elle te laisse même choisir le sujet. Je pense qu'elle a envie de s'amuser un peu. Voici le nouveau jeu auquel nous allons jouer. Je te pose 3 questions à la suite, et si toutes tes réponses sont fausses... Oui, tu as bien entendu, si elles sont toutes fausses... Cendrillon viendra te raconter son histoire drôle. Sinon, elle ne s'amusera pas avec nous. Question 1. Je vais te jouer une chanson et tu vas devoir deviner son titre. Si tu veux que je la joue au piano, appuie sur la touche 1. Si tu veux que je la siffle, appuie sur la touche 2. Si tu veux que je te la chantonne, appuie sur la touche 3. Et si tu veux que je la joue au piano et que je la siffle en même temps, choisis alors la touche 4. Fais ton choix et appuie sur l'une de mes jolies touches. À toi. Voici ton choix. Je suis merci, non seulement merci. Le robot le plus doué du monde, mais aussi le meilleur siffleur. Alors, quel est le titre de cette chanson? N'oublie pas, tu dois trouver la mauvaise réponse cette fois. Je te donne 4 titres. À toi de choisir. 1. Sous le pont d'Avignon. 2. Frère Jacques. 3. J'ai du bon tabac. Et 4. Sur le pont d'Avignon. Appuie sur une de ces touches. À toi. Bravo! Ta réponse est fausse. Cette chanson s'intitule « Sur le pont d'Avignon ». Voici la question 2. On va jouer à vrai ou faux. Les humains se servent de leur nez pour sentir. Et les chats utilisent leurs moustaches. Appuie sur vrai ou sur faux. À toi. Bravo! Ta réponse est mauvaise, et c'est génial. Les chats utilisent leurs moustaches. Mais il fallait me donner une mauvaise réponse. Sur notre lancée, nous allons continuer. Question 3. Vrai ou faux? Le petit pousset a semé des billes sur sa route pour retrouver son chemin. Appuie sur vrai ou sur faux. À toi. Tu ne trouves pas que je fais des bruits bizarres? Ne touche à rien, je vais me soigner. Ah, ça va mieux. On va pouvoir continuer. Bravo! Tu es génial! Tu as mal répondu bien et c'est ce qu'il me fallait faire. Une mauvaise bon réponse. Je contrôle ma banque mémoire. Je te demande un tout petit instant de patience. Ma banque m'informe que tu as mal répondu sur le pont d'Avignon. Et pour ce vrai ou faux, sur les chats et leurs moustaches. Certaines et à la de question sur le petit pousset, comme tu as trouvé toutes les mauvaises réponses, tu as donc tout bon. Bravo, c'est très bien joué. Un petit instant, je vais descendre ici, Cendrillon est arrivé. On va voir ce qu'elle en pense. La voilà. Ah, Cendrillon, entre, je t'en prie. Bonjour, 2XL. Je voudrais bien vous raconter à tous les deux une histoire drôle. Bien sûr, Cendrillon. J'ai une très mauvaise nouvelle. Mon ami a gagné toi, ta blague. Mais tu ne peux comme pas tu l'as promis au téléphone, peut-on choisir le sujet de ton histoire comme ce qui est dit, triste. Mais je sens que ça va s'arranger. Alors je vais attendre. Blague. Si tu veux une blague sur une savonnette, appuie sur 1. Dis donc, une blague sur un bébé kangourou, appuie sur 2. Et sur 3, pour une blague sur un prisonnier, appuie sans tarder sur la touche 4. À toi. Cendrillon, si nous voulons que tu nous racontes ta blague sur le bébé kangourou. Ok, demande un bébé pour le savon à sa mère. Sais-tu quel régime fait une savonnette pour maigrir? Oh, celle-là, elle est vraiment dure. Je suis sûre que je sais. Qu'est-ce qu'il veut bien lui demander? Non, je renonce. J'ai beau me creuser le ciboulot, rien. Mais c'est facile. Est-ce que je peux mettre un verre luisant dans ta poche? Trois fois par jour. Je voudrais lire un peu avant de dormir. Et soir. Oh, merci, Cendrillon. Et au revoir. Au revoir à tous les deux. Comme elle est gentille, cette Cendrillon. Revenons à nos questions. Sache qu'il faut maintenant y répondre correctement. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-bip? Quel est le bip? Archi, 1, sèche, 2, propre, 3, mouillé ou 4, sale? Appuie sur 1, 2, 3 ou 4. À toi! Tu les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches? La phrase exacte est bien. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Pour information, archiduchesse est le titre que l'on donnait aux filles et aux sœurs de l'empereur d'Autriche. Quel est le titre de cette chanson? Je ne peux pas y résister, j'aime trop chanter. Veux-tu une indication? Si tu veux de l'aide, appuie sur oui. Sinon, appuie sur non. À toi. Et la voici, la voilà. Connaître la réponse le titre de pour cette ne chanson par le dos. Voici tes 4 choix. 1. Au clair de la lune. 2. Meunier, tu dors. 3. À la claire fontaine. Ou 4. Maman, les petits bateaux. Appuie sur une des touches. À toi. Oh, ton cerveau est sans doute un peu surmené. Ta réponse est fausse. Mais je ne suis pas programmé pour te donner la bonne. Désolé. Pour les 3 prochaines questions, ça va être un peu plus compliqué. Si tes réponses sont bonnes, je te poserai une question plus difficile. Par contre, si tu ne réponds pas correctement, la question suivante sera plus simple. Choisis le sujet de la première question. 1. Les chansons. 2. La peinture. 3. L'argent. Ou 4. Les sciences. Enfonce gentiment l'une des touches. À toi. Les la chansons. Peinture. Écoute, c'est parti. Frère quand tu mélanges Jacques, du rouge et du Jacques. Jaune, bip, quelle couleur quel obtiens-tu? 1. Écrivez-vous. 2. Du mangez-vous. Ou 3. De l'orange. Dormez-vous. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Et appuie, sur 1, 2 ou 3. À toi. Ta cervelle doit être en compote. A dit, je te laisse choisir le sujet touche, et tu ne trouves tu pas la bonne réponse. C'est désolé dommage. Pour toi, mais on ne peut plus rien changer. Comme promis, cette question est plus facile. Dans le poème La Semaine. Bonjour lundi, comment va Bip? Qu'est-ce qu'il y a à la place du bip? 1. Mardi, 2. Dimanche ou 3. Samedi. Appuie sur 1, 2 ou 3. Bonjour lundi, comment va mardi, ça va mercredi et toi jeudi, tu diras à vendredi que je pars question numéro 3, revenir dimanche, elle est plus facile ma foi, donne-moi la réponse, bravo, surprise, la prochaine question va être plus difficile, tu es prêt? Dans quel animal pays des merveilles, le lapin a quelque chose dans son sac, c'est la question la plus facile du monde. 1. Des bonbons, 2. Une montre, ou 2. Un chien, un mouchoir. Appuie sur 1, 2 ou 3. À toi. Seule à la joie de t'annoncer, la bonne réponse erronée. Tu as trouvé, on ne va quand même pas pleurer si tu es surtout ce génie en herbe que t'amusais. Il est temps de se faire une petite pause de gymnastique. Mets-toi debout. Fais sans forcer les mouvements que je vais t'indiquer. Détends-toi et appuie quand tu veux sur l'une des touches de ton choix. Il y a 4 chansons différentes sur chacune de mes touches-réponses. Maestro, musique, s'il vous plaît. Secoue ta main gauche. Allez, vas-y, fais bouger tes doigts. Secoue ta main droite. Fais bouger tes doigts. Secoue ton pied gauche. Et fais bouger tes orteils. Secoue ton pied droit. Et encore, vas-y, fais bouger tes orteils. Secoue les deux pieds. Les deux pieds en l'air, naturellement. Attention, tu ne peux pas le faire debout. Sors ta langue à gauche, sors ta langue à droite, sors ta langue vers le haut, sors ta langue vers le bas. Encore une fois, à gauche, à droite, vers le haut, vers le bas. Bien. Ah, tu dois te sentir plus détendu après ces petits mouvements. Maintenant, tu vas m'aider à écrire un poème. Choisis le thème. A. Toi et des kangourous qui sautent partout. B. Des ours, des oursons et le zoo. Ou C. Des oiseaux, des arbres et des nids. Appuie sur A, B ou C. À toi. Tu as fait une petite boulette. Les kangourous. Je choisis ici donc partout. À ta place. C'est les kangourous qui sautent partout. Ce poème parle de kangourous. Tu sais, ces animaux qui sautent partout. Ils sautent vraiment très haut et passent au-dessus de toi sans bobo. Les grands espaces font leur bonheur. Ils s'amusent à toutes les heures. C'est dès leur naissance qu'ils apprennent des danses. Il n'y a rien à redire, il faut juste les applaudir. Les kangourous adorent la liberté. C'est beau de les voir virevolter. L'Australie est leur terre. Ils peuvent en être fiers. J'espère que tu t'es amusé de mes petits couplets. Si tu veux, il y en a plein d'autres à écouter. Tu vois, ton robot préféré est aussi un poète. Être avec toi, c'est si chouette. Un peu de sérieux. Je suis curieux de savoir si tu te souviens de ton mot de passe. Tu l'as entendu au début du programme. Est-ce 1. Camembert ou 2. Citrouille? Appuie sur 1 ou sur 2. À toi. Merci de ta collaboration. Comme je suis un peu fatigué, je vais te poser la dernière question. C'est toi qui en choisis le sujet. Attention, attention. Si tu veux une question sur les vélos, appuie sur la touche 3. 1. Sur les animaux domestiques, appuie sur 4. 2. À toi. On va jouer à vrai ou faux sur le sujet de ton choix. Il naît chaque heure. On appelle tricycle l'animal domestique. Une bicyclette à de ton index. Appuie sur la touche vrai ou sur la touche faux. À toi. Présente-moi ta cervelle et tout aura plat-plat. Tu vas bientôt aller faire la sieste, pour je le sens. Leur dise, ta réponse n'est pas la bonne. L'heure de te reposer sonne. Le moment est venu de nous quitter. Mais avant cela, je veux te dire trois choses. 1. La prochaine fois que tu joueras, appuie sur d'autres touches, ainsi tu auras d'autres réponses. 2. J'espère que tu as appris des choses intéressantes et que tu t'es bien amusé. Et 3. Merci beaucoup d'avoir joué avec moi. Au revoir et à bientôt. Maintenant, appuie sur la touche stop. Et après, rembobine la cassette. À toi. Hey, oh, je suis toujours là. S'il te plaît, éteins-moi. À toi. Oh, mais tu es un peu étourdi. S'il te plaît, éteins-moi. À toi.